Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunalamkia kila mmoja wenu mu jina Yesu Kristo. Hier nous avons oublié. Jana tusahabu. De vous annoncer le décès de la femme de notre pasteur Mumba de Kasangiri. Kumitangazia kifo kia bibi wa mchungaji wetu Mumba wa Kasangiri. Le pasteur Mumba de Kasangiri. Mchungaji Mumba wa Kasangiri. A toujours accompagné le pasteur Mbali de Lusaka. Anamushindikizaka kila mara pasteur Mbali wa Lusaka. Comme son interprète. Sawa mtafsiri wake. Lorsque nous étions dans l'idée de la sœur Louise, wakati tulikuwa mkilio kia da Louisa, à ce moment-là aussi que la nouvelle est tombée. Ni mwile wakati habari nayo ilifika. Et l'enterrement va se faire vendredi. Maziko hiyo itafanyika siku ya tano. C'est mieux que vous écrivez au frère ou vous l'appelez. Ni mzuri kumwandikia ndugu na kumuita. Pour lui présenter vos condoléances. Dieu a kumufisha ako. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila ukawia tusimame juu ya neno. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu Mwenyezi. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Ni wewe mkubwa wa manyakati na mamambo ile kunafika. Tu fais ce que tu veux. Unafanya kabiote bila unapenda. Et lorsque tu le fais, c'est seulement pour la gloire de ton nom. Na wakati uko nabifanya ni paka tu juu ya utukufu ya jina yako. Nous venons humblement dans ta présence. Tunakuja na bunyenyekevu muwepo yako. Pour t'inviter dans notre vie. Yakukualika ndani ya maisha yetu. Afin que toi seul tu viennes prendre la direction de celle-ci. Juwe peke kwe ubebe uongozi wayo. Et de nous conduire jusqu'à l'enlèvement. Na kutuongoza mpaka mkunyakuliwa. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Bariki kila moja wetu mnamna ya kipekee. Accorde-nous la compréhension de ta parole. Utukaburie kuelewa kwa neno yako. Et sanctifie nos esprits. Na utakase maro yetu. Nous voulons nous préparer pour ton retour, Seigneur. Tuko napenda kujitayarisha juu ya kurudia kwako Bwana. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'esprit et sans ta parole. Na atuwezi kuifanya bila roho yako na neno yako. Viens, Seigneur Jésus. Kuya Bwana Yesu. Et accomplis ta volonté en nous. Na utimize mapenzi yako ndani yetu. Et nous serons de véritables chrétiens. Na tutakuwa bakristo wa kweli. Sois avec nous ce soir. Kuya pamoja nasi mangaribi. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin, sois honoré. Mwanzo na mwisho heshimishwe. Au nom de Jésus Christ. Mungine Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Dans Daniel au chapitre 9. Mu Daniel sura yake ya kenda. Daniel au chapitre 9. Daniel sura yake ya kenda. Par son verset 24a. Mo mustari ya makumi mbili na ine kipande kya yulu. Et nous allons aussi prendre. Na tutabeba tena. Matthieu chapitre 24. Matayo makumi mbili na ine. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba iliwekwa juu ya taifa yako na juu ya mji takatifu. Verset 25. Makumi mbili na tano. Sache-le donc et comprends. Jua basi na upate kuelewa. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie. Tangia wakati ile neno ilitangaziwa kusema Yerusalemu itayungululwa kufikia paka kwa Masia. au conducteur kwa mwongozi, il y a 7 semaines et 62 semaines. Kuko majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mabiwanja na manjimu itarudishwa lakini mwakati ya mbaya. Après les 62 semaines, kisha majuma makumi sita na mbili, le Messie sera retranché. Mupakaliwa atatoshwa et n'aura pas de successeur. Na ashitakuwa na wakumkombola. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Taifa ya mfalme ya mkubwa moya ile takuya itapomona muji na ekalu. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Na mwisho yayo itafika sa vile inondation. Une invasion. Sa vile mkuingiririwa. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ni yenye kupangwa kusema ile uharibifu itafika paka mwisho wa vita. Matthieu 24, Matthieu 24, verset 15, 15 ya mstari. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, ndio kwa maana wakati mtaona ile makufuru ya mateso ile nabii Daniel alisema, établi en lieu saint, inawekwa pali patakatifu, que celui qui lit fasse attention. Kumbe ule iko nasoma apate kusopoka. Vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Mnaweza kukala Bwana apate kumbariki. Comme nous l'avons montré hier, vile tulionyesha jana, en parlant du verset 26 de Daniel 9, mukusemea juu ya mstari 26 ya Daniel sura 9, qu'il y a trois choses très importantes que chacun de nous doit retenir. Kusema koko bitu bitatu bya mafasa na bile kila mmoja wetu anapasha kubichunga. Après les 62 semaines, kisha majuma 62, l'ange a dit que le Messie sera tué. Malaika alisema Masia atauawa. Et après sa mort, il n'aura jamais de successeur. Na kisha lufu yake hakutakuwa wa kumkombola. Après cela, na kisha ile, le peuple d'un chef viendra. Taifa ya mkubwa moja itakuja. Et détruira la ville et le sanctuaire. Na itapomona muji na ekalu. Et troisièmement, na kiatatu, il y a la fin de dévastation. Kuko mwisho ya ile uharibifu. Nous avons montré, tulionesha, que Dieu n'a jamais traité avec les Juifs et les nations ensemble. Tulionesha kusema Mungu yeye bado kutumikaka na Bayuda pamoja na mataifa wakati moya moya. Et nous avons dit hier, na tulisema jana, que c'est en appliquant les 70 semaines de Daniel à la fois sur les nations ainsi que sur les Juifs, kusema ni mukutumia hii majuma makumi saba wakati moya moya kwa Yuda na kwa watu wa mataifa, que les adventistes du septième jour ont commis une grosse erreur, kule bashika sabato walifanyaka kosa mnene, parce que ils n'ont pas compris, jua bakuelewa, l'insistance de l'ange dans Daniel 9 au verset 24. Abakuelewa ile mukazo ya malaika kule kwa Daniele. Parce que l'ange avait dit clairement à Daniel, du malaika alisema wazi kwa Daniel, que le 70 semaines, pema majuma makumi saba, sont fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ni yenye kuwekwa juu ya taifa yako na ya muji takatifu. Mais les adventistes, en voulant mélanger les deux, ils ont commis des erreurs. Lakini aba washika sabato mkuchanga byote biwili balifanya nkosa munene. Je m'arrête un peu ici. Nashimamia kwanza hapa. Avant encore d'avancer. Mbele tena ya kuendelea. À l'origine. Kumwanzo. Les adventistes du septième jour. Aba bashika sabato. S'appelaient d'abord les millénistes. Balanza kuitwa mbele ba millénistes. Avant qu'ils ne deviennent les adventistes. Mbele ya bokuya ba kuanza kushika sabato. En 1919. En 1919. Avec leur prophétesse Ellen White. Na ole prophétesse wabo Ellen White. Comme ils croyaient que Jésus-Christ reviendrait en cette année-là. Vile badanza kuamini kusema Yesu atarudia mwile mwaka ile. Ils se réveillèrent un matin. Ba kalamuka asubuhi moya. Ils allèrent à la montagne pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bakenda kumulima juu ya kuchunga kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. En se basant sur le calcul des 70 semaines de Daniel. Benye kushibamia pa hii mahesabu ya majuma 70 ya Daniel. Et Jésus-Christ n'est pas venu en 1919. Na Yesu Kristo ashikukuya mu 1919. Lorsqu'ils ont remarqué que les prophéties étaient fausses, wakati waliona kusema unabii hapo ilikuwa ya bongo, ils prirent un autre nom. Bakabeba njina ingine. Et il s'appelait la voie de la prophétie. Na bakanza kujita njia ya unabii. Ils ont fait plusieurs calculs mais qui n'étaient pas exacts. Badanza kufanya mahesabu ya mingi lakini haikuwa sawa kufuatana na kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. La même église a eu trois noms différents. Ile kanisa moya moya ilikuwa na majina tatu ya kuachana. Et ce changement de nom est arrivé parce que les calculs qu'ils donnaient et ce qu'ils enseignaient tapaient toujours à côté. Na kule kubadilisha kwa njina ya makanisa kulianza kutokea ni jumu ile mahesabu walikuwa wanafanya ilianza kwenda paka pembeni. Et chaque fois qu'ils tapaient à côté, ils étaient obligés de changer leur nom et leur doctrine. Wakati yote mahesabu yao yalianza kwenda pembeni, walikuwa na lazimishwa kubadilisha njina na mafundisho yao ya msingi. Et c'est presque le même comportement avec les témoins de Jéhovah. Na njo tabia moya moya na aba bashuda ba Yehova. Qui ont aussi changé de nom plusieurs fois. Bale nabo badilisha manjina wakati ya mingi. Les adventistes ne pouvaient pas comprendre la parole prophétique correctement. Bale bashika sabato bangelewa neno ya nabii munamna mzuri. C'est parce qu'il n'y a pas eu de véritable prophète au milieu d'eux. Ni juu akukukue banabii ba bya kweli katikati yabo. La parole prophétique neno ya nabii vient au prophète. Inakuiaka kwa banabii. La parole prophétique ne peut pas venir chez des simples prédicateurs, des individus. Neno ya nabii haiwezi kuya tu kubahubiri tu hivi au kwa bantu hivi. Ou des chercheurs. Au bantu bakutafuta kuyua. Ou des historiens. Au bakujifunza maadisi. Non. Hapana. Dans la parole prophétique, muneno ya unabii, Dieu y a caché beaucoup de choses pour son église, pour ses bien-aimés. Mungu alificha mambo vitu vya mingi juu ya kanisa yake na wapendwa wake. Quand le temps de la prophétie arrive, wakati ya unabii inafika, Dieu enverra un prophète, Mungu atatuma nabii moya, qui comprendra ce qui avait été écrit par d'autres prophètes. Ule ataelewa vile biliandikiwa na manabii wengine. Parce qu'il a en lui et sur lui l'esprit prophétique. Ju eko ndani yake na roho ya unabii. Vous voyez. Mnaona. C'est pourquoi vous remarquerez que tout le monde qui s'est hasardé à interpréter la parole prophétique n'a raconté que des mensonges. Trois noms, mais de la même église. Premièrement, ils sont appelés les millénistes. Deuxièmement, ils se sont appelés les adventistes du septième jour. Et troisièmement, ils se sont appelés la voix de la prophétie. C'est ainsi que vous verrez aussi à l'origine des témoins de Jéhovah. Ils ont commis presque les mêmes erreurs. Et aussi, au début, ils étaient appelés l'Association internationale des étudiants de la Bible. Association internationale des étudiants de la Bible, Kunji, au Mungano, hein? C'est une association. Quoi, Mungano? Une entreprise. Il y a une company. Une association internationale des étudiants de la Bible. Mungano ya ulimwengu mujima ya bali ba kujifunza Biblia. Dont son fondateur est Russell. Il est Ule Arianzaka ni Russell. À la mort du Russell, Pakufa kwa Russell, ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah. Bakabeba njina ya bashuda Yehova. Et sous la direction du juge Litford, na chini ya uongozi ya huyu mwamuzi Litford, ils se sont fait aussi beaucoup de doctrines et beaucoup de prophéties. Ya mafundisho ya mingi ya msingi na unabii ya mingi. Se basant toujours sur les 70 semaines en ce qui concerne la date du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Benye kushibamia tu paka mmajuma makumi saba ya Daniel kuile konangalia kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Le fondateur des témoins de Jéhovah, celui qui était comme leur maître, Russell, il enseignait et il disait que le septième millénium était le commencement du règne de Christ. Njo ilikuya mwanzo ya utawala ya Kristu. Et il prophétisa presque en 1914. Na aritabiriaka mu 1914. La fin du temps des nations. Mwisho ya manyakati ya bato mataifa. Et même la restauration du millénium. Ata kurudishwa kwa miaka elfu moja. Et il pensait que Jésus-Christ reviendrait en 1914. Ariwazia kusema Yesu Kristo atarudia 1914. Et ce serait la fin du monde. Na ile itakuwa mwisho wa dunia. Ils avaient fait de faux calculs. Barifanyaka mahesabu ya bongo. Et il est mort na alikufaka Et cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Na ile unabii yake hiyo bado hatakutimilikaka. En 1914, Christ n'est pas venu. Mu 1914 Christ ashikuyeko. Après sa mort, c'est maintenant Rutherford qui prend la tête du mouvement. Kisha lufu yake ni kulakapia sasa Rutherford alibeba kichwa kia ile kampuni ya Abel. Et comme il comprenait que les prophéties données avant étaient fausses, vile ule alielewa kusema maunabii iletoa kumwanzo ilikuwa ya bongo, ils ont essayé de changer cela. Alipima hako kubadilisha ile pour montrer que toutes les prophéties devaient se réaliser en 1914, c'est vrai. Dieu a kuonesha kusema maunabii yote ilipasha kutimilika mu 1914 ni kweli. Mais Jéhovah entrerait dans le trône de Christ, sur le trône de Christ de Jésus. Lakini Yova ataingia mkiti ya ezi ya Kristo Yesu. Et il enverrait pour diriger le monde. Na atamutuma juu ya kuongoza dunia. Pendant que Satan continuerait à exercer son pouvoir sur la terre. Wakati ile Shetani ataendelea kutumikisha uwezo yake pa dunia. Rutherford disait. Rutherford alianza kusema. Jéhovah a installé son roi sur son trône. Jéhovah aliweka mpakaliwa wake pakiti yake ya ezi. Et de là Christ prend l'autorité comme roi. Na kule Kristo anabeba mamlaka sawa mfalme. Et en 1918. Na 1918. Le Seigneur serait dans son temple. Bwana atakuya mwekalu yake. Tout cela était des mensonges. Bile biote bilikuwa paka bitu bya bongo. Ce n'était pas la vérité. Abikukwe bya kweli. Ils étaient seulement dans la confusion. Barikuwa tu katika mvuruko. Les gens qui peuvent étudier la Bible avec la pensée intellectuelle ne peuvent pas la comprendre. Bantu bale wanaweza kujifunza Biblia na mawazo ya mkichwa hawawezi kuelewa. Parce que la Bible elle-même ou la parole prophétique ne supporte pas d'interprétation particulière. Juu Biblia hiyo yenyewe na neno ya unabii haivumili yake matafsiri ya kipekee. Ils n'ont pas prêté oreille aux enseignements de Jésus-Christ. Bo abakuteka mashikio kwa mafundisho ya Yesu Kristo. Touchant la date et le jour du retour du Seigneur. Yenye kusemea juu ya date na siku ya kurudia kwa Bwana. Jésus-Christ n'a jamais déterminé l'année où il viendra, le mois, le jour et l'heure. Non. Yesu ye balo kuwekaka siku ile atakuyaka, mwezi, mwaka au wakati. Hapana. C'est pourquoi vous remarquerez. Ndio kwa maana mtaona que tous ceux qui cherchent à donner, à se fixer une année, un mois ou un jour, une date pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, ils se trompent toujours. Bote bale beko napenda kujiwekea mwaka fulani, mwezi au siku fulani ya mwezi kusema Yesu atarudia, beko paka na landa. Parce qu'il ne s'appuie pas sur les saintes écritures. Jo abashimamie pa maandiko matakatifu. Mais en 1914, il y a eu exactement quelque chose qui s'était passé. Lakini mu 1914 kulikuwa kabisa kabisa kitu kimoja kile ambacho kiliweza kufanyika. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa iko nanifuata? Je reprends. Narudilia. Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Russell ule alianza kanisa bashuda Yehova. Enseignait et disait ceci. Alianza kufundisha na alianza kusema hivi. En 1914, kusema mu 1914, Le retour de Christ, kurudia kwa Kristo, devrait s'accomplir, kulipasha kutimilika. Et ce retour serait spirituel. Na kule kurudia kutakuya kwa kiro. Et à cette date, na mwile date, Christ reviendrait chercher son épouse. Kristo atarudia kutafuta bibi yake harusi. Deuxièmement, il disait. Kia pili kile alianza kusema. Quand 1914. Kusema mu 1914. C'est la fin du temps des nations. Ni mwisho ya wakati ya bamataifa. Et quand la fin du temps des nations sera marquée, na wakati mwisho ya bamataifa itafika, il y aura la guerre d'Armageddon en 1914. Alianza kusema kutakuwa tena vita ya Armageddon mule mu 1914. Et après cette guerre d'Armageddon, na kisha ile vita ya Armageddon, il y aura instauration du millénium. Kutakuwa kuanzishwa kwa miaka elfu moja. Et le règne du Christ. Na utawalo ya Kristo. C'est à partir de 1914 que Christ prendrait la direction des affaires terrestres. Arianza kusema ni mwile 1914 Kristo atabeba uongozi ya mambo ya paulimwengu. Quiconque spiritualise. Yeyote ule konaweka hii mambo inakuwa ya kiroho. Ah non. Quiconque spiritualise le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Yoyote konafanya kurudia kwa Yesu kunakuwa kwa kiroho. Il prêche une fausse doctrine. Eko nafundisha mafundisho ya bongo. Pourquoi? Juu ya nini? Christ est retourné spirituellement. Kristo alirudia mukiro. Comme Saint-Esprit. Sawa Roho Mtakatifu. Depuis la Pentecôte à Jérusalem. Tangia ku Pentecôte ku Jérusalem. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1er Jean, 2e Jean et 3e Jean. Ndio kwa maana wakati mnasoma mu Yohana wa kwanza, wa pili na wa tatu. Les apôtres enseignaient et disaient, ba mitume baranza kufundisha na kusema, quiconque spiritualise le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est un antichrist. Yeyote ule kunafanya kurudia kwa Kristo kunakuwa kwa kiroho ni mpinga Kristo. C'est pourquoi la prophétie de Ezechiel touchant le retour de Christ d'une manière spirituelle en 1914 était fausse. Ndio kwa maana unabii Aristele yenye kusemea juu ya kurudia kwa Yesu Kristo mu 1914 mukiro kulikuwa kwa bongo. Quand Aristel est parti, wakati il est mort, Aristel alikufa. Il y a eu son frère Joseph Franklin. Kulikuwa nduku yake Joseph Franklin. Qui a pris la tête de cela. Ule naye alibeba anakuwa uongozi ya ile kanisa. Maintenant pour Joseph Franklin Rutherford, sasa juu ya huyu Joseph Franklin Rutherford, l'année 1914, mwaka ile ya 1914 ne marque pas la fin de temps des nations. Ya alianza kusema ayoneshe mwisho ya wakati ya mataifa. Mais le début de la fin des temps des nations. Lakini alianza kusema ile ni mwanzo ya mwisho ya wakati wa mataifa. Ils ont essayé d'aménager un peu. Alipima ako kutengeneza kiloko. Rutherford alianza kusema l'année 1914, mwaka wa 1914 marque le début de la fin des temps, du temps des nations. Alianza kusema iko naonesha ni mwanzo ya mwisho ya wakati ya ba mataifa. Il continue et il enseigne. Aliendelea na alianza kufundisha. Qu'en 1914, il y a eu une bataille qui s'est livrée au ciel. Sema kulikuwa vita ile ililamuka ku mbingu. Et dans cette bataille, Satan fut précipité sur la terre. Shetani barimutupa pa dunia. Et depuis que Satan est précipité sur la terre, natangia shetani pale barimutupa pa dunia, voilà d'où viennent tous les malheurs actuels qu'on retrouve dans l'humanité. Tazama sasa kule kuko natokea hii maole yote tuko napata pa ulimwengu. Il interprétait Apocalypse chapitre 12. Ya lanza kutafsiri hii Ufunuo 12. Dans son verset 7, vous pouvez aller jusqu'au verset 12. Mutabeba mstari ya 7 pa mstari ya 12. Mais je prends seulement le verset 7 et le verset 8, le verset 9. Et le verset 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Na ba kamfukusha huyu nyoka mkubwa wa zamani mwenye kuitwa Shetani. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Regardez le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Ole kwenu bantu ba dunia, sababu shetani anashuka kwenu mwenye kushikwa na kasirani mkubwa, mwenye kujua kusema kuna mbakiria wakati kidogo. C'est ainsi que pour Ritford, njomu inamuna kwa uyu Ritford, il dit 1914, anasema 1914, une bataille fut livrée au ciel, vita mwe ilamuka kumbingu, et d'où Satan fut précipité de la terre. C'est pourquoi on rencontre tous les malheurs dans l'humanité aujourd'hui. Lui aussi fixa une autre année. Il annonça qu'en 1925, c'est là où il y aurait la guerre d'Armageddon. Ni mwile mwaka njo mtakuya mvita ya Armageddon. En 1925, après la guerre d'Armageddon, il y aurait aussi la résurrection des justes. Kisha mvita ya Armageddon, kutakuwa tena kufufuka kwa benye yaki. Et troisièmement, na kiatatu, il y aurait l'introduction du millénium. Kutakuya kuanzishwa kwa miaka elfu moja. Il voulait corriger l'erreur de son frère Russell. Alipenda ako kutengeneza ako nkosa ya nduku yake Russell. Mais il est tombé dans la même faute. Lakini alianguka mkosa moya moya. Et vous lirez dans toutes ces églises qui sont attachés à la prophétie. Na mutaona muhimu kanisa yote yenye isha kujiambatanisha sana. Ils ont donné plusieurs dates inexactes. Barisha kufanya kama date ya mingi ashipo kwa ya sawa. 1874, 1948, 1975, et toutes ces dates étaient toujours fausses. Maintenant, suivez-moi très bien. En réalité, il y a cette date de 1914 un autre événement qui s'était accompli en dehors du retour de Christ. Kutoshako kurudia kwa Kristo. Dans cette année 1914, il n'y a pas eu le retour de Jésus-Christ, mais il y a eu un autre événement qui s'est accompli bibliquement. Lakini kuko mambo ingine, maandamano ingine ilitimilikaka kupatana na Biblia. C'est ce que je vais vous montrer bientôt et suivez très bien. Depuis la destruction de Jérusalem en l'an 70 par Titus, le général romain, tangia kupomonewa kwa Yerusalem mwaka wa 70 kupitia jamadari Titus. De Titus le Romain. Titus wa Roma. Jusqu'en 1914. Kufikia paka 1914. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Akuya kuyaka mu hadithi yote ya ulimwengu. Où le monde entier est entré en guerre. Mule ambao ulimwengu mujima iringiaka mvita. Depuis l'an 70, suivez très bien. Tangia mwaka makumi saba. Ça c'est après la naissance de Jésus-Christ. Il est né kisha kuzalika kwa Yesu Kristo. Jésus-Christ était déjà venu. Yesu alikuwa shakuya. Il avait déjà fait son sacrifice expiatoire. Il est mort à la croix. Alikuwa alisha kukufa kwa msalaba. Et la mort de Jésus-Christ à la croix na lufulo Yesu kumsalaba a accompli les 62 semaines. Lulitimiza ile majuma makumi sita na mbili. Parce que Daniel avait dit, Juu Daniel alisemaka, il y a 7 semaines et 62 semaines. Kuko majuma saba na majuma makumi sita na mbili. Ce qui fait 69 semaines. Il est nafanya majuma makumi sita na kenda. Mais après les 62 semaines, lakini kisha majuma le Messie ou loin, mupakaliwa au Masia, sera retranché. Atawawa. Et Jésus était déjà au ciel. Yesu alikuwa ashakwenda kumbingu. En l'an 70, mumwaka ya makumi saba, Titus est venu détruire Jérusalem. Titus alikuwa kupomona Yerusalema. Quand vous prenez kama mnabeba toute l'histoire de l'humanité, hadithi yote ya ulimwengu mzima, depuis l'an 70, kuanzia pa mwaka makumi saba, qui marque la destruction de Jérusalem, yenye kuonesha kupomoka kwa Yerusalema, jusqu'en 1914, il n'y a nulle part où le monde entier fut en guerre. Et c'est là que le juge Ritfor s'était trompé. Na nikule huyu mwamuzi Ritfor adilanganyikaka. En 1914, qu'est-ce qu'il y a eu? Nini yako? Le monde entier marcha contre l'Allemagne. Il y a un kutembea juu ya kukombanisha Allemagne. S'est engagé contre l'Allemagne. Il dit toi juu ya kukombanisha Allemagne. Pour une guerre mondiale. Juu ya mvita ya ulimwengu mzima. Que tout le monde connaît, que nous appelons la première guerre mondiale. Ile bantu bote banajua ile tuko naita mvita ya kwanza ya ulimwengu mzima. Pendant cette guerre mondiale, mwile mvita ya ulimwengu mzima, il y a eu quelque chose d'étrange qui s'était passé. Kule panikaka mambo moya ya kigeni ambayo ilifanyikaka kule. Pendant cette première guerre mondiale, mwile mvita ya kwanza ya ulimwengu mzima, alors que le monde entier était en guerre contre l'Allemagne, wakati ile dunia mzima ilikuwa inakombanisha Allemagne, il s'y passa une chose étrangère. Kulifanikaka kintu kimoya cha kigeni. Quelque chose d'étrange. Kitu kimoya cha kigeni. Tout à coup, mwakati kwa ghafla, quelle est cette chose étrange qui s'était passée? Ni kitu gani kile cha kigeni kilifanikaka? Tout à coup, kwa ghafla, les soldats qui étaient au front, baskari bale walikuwa kule ku shamba ya vita, de la bataille, kule ku vita, arrêter la guerre, bakashimamisha vita, sans que personne ne sache quoi que ce soit, bila hata mtu moya ayu hata ni nini ile nafanika. Ils étaient au front de la bataille. Barikuya kule kupasha ba kukombania vita. Et même les soldats n'ont pas compris. Ata baskari benyewe na bwa bakuelewaka. Et cette première guerre mondiale s'est arrêtée. Na ile vita kwanza ulimwengu mzima ikashimama. L'empereur Guillaume III. Empereur Guillaume III. Quand la guerre s'arrêta, wakati mvita ilishimama, déclara qu'il n'avait jamais ordonné la fin de la guerre. Akatangaza ye balo ata kuletaka abashimamishe mvita. La guerre s'est arrêtée, mvita yo ilishimama, sans qu'il y ait un homme terrestre, bila kukuye ko muntu apa dunia, pour ordonner la fin de la guerre. Ule akuleta agizo ya kusema basimamishe vita imalizike. La guerre s'arrête. Vita kashimama. Les soldats ne comprenaient rien. Baskari bakuelewa kintu. Et tous les traités de paix. Na ile kusikilizana kote kwa salama. Furent signés. Bakaweka masaini. Sans que sans que les gens, bila bantu, ne comprennent ce qu'ils faisaient. Bapate kuelewa bile baranza kufanya. Et les militaires, na ba askari, et les commandants, na bale bakubwa yabo, et les empereurs, na bale basultani ba ile wakati. Tout le monde n'a jamais compris bote abaya elewaka comment la guerre s'est arrêtée, namna kani vita yo ilishimama, et qui avait ordonné la fin de la guerre. Na ni nani ulileta agizo ya vita ipate kumalizika? Ils se sont précipités à signer les traités, les accords de la paix. Barifanya tu haraka juu ya kufanya masaini ya mapatano ya salama. Mais sans comprendre. Lakini bo bila kuelewa. Mais qu'est-ce qui s'est fait exactement en 1914 dans cet arrêt, dans cette fin de la guerre? Sasa nini kabisa kabisa ilifanyika mule mu 1914 juu ya kushimamisha ile vita? En réalité, qui avait arrêté cette guerre? C'est lui qui avait arrêté la première guerre mondiale. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu accomplissait sa parole qui se trouve dans Apocalypse chapitre 7, Mungu anaanza kutimiza neno yake yenye kupatikana mufunuo sura yake ya 7. Dans son verset 1 à 3. Mstari yake ya kwanza paka mstari ya 3. Apocalypse chapitre 7, Ufunuo sura yake ya 7, verset 1 à 3. Mstari ya kwanza na ya 3. Après cela, Kisha, pale. Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Nikaona ba malaika ine benye kushibama bwima mu makona yote ine ya dunia. Il retenait les quatre vents. Baranza kuchunga mapepo ine. Les vents dont on parle ici sont des guerres. I mapepo yako nasemea hapa ni mavita. Les quatre vents de la terre. Mapepo ine ya ulimwengu. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Juu kushikwe tena mpepo ile tafanika pa dunia au mubari au ata kumumea moya. Verset 2. Mstari ya pili. Et j'ai vu un autre ange. Na nikaona tena malaika mwingine. Qui montait du côté du soleil levant. Ule alianza kupanda kutokea kule ku et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Na alianza kushika muhuri ya Mungu aliye hai. Il cria d'une voix forte aux quatre anges. Akalalamika na sauti mkubwa kwa malaika bale ine. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit kwa bale ambao alikaburia uwezo ya kuleta bubaya kudunia na kubahari na akabambia ne faites point mal à la terre ni à la mer, hapana kufanya tena bibaya pa dunia na pa bahari, ni aux arbres au kumichi, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Kufika paka pale tutaweka miuri kuma sura ya batumishi ba Mungu wetu. Quelle est la chose étrange qui s'est accomplie dans la Première Guerre mondiale? Ni nini kile kitu kia kigeni kilitimilikaka mwile mvita ya kwanza ulimwengu mzima? C'est cet ange d'Apocalypse 7:2. Ni huyu malaika wa Ufunuo 7 mstari ya pili. Qui montait du côté du soleil levant. Ule alianza kupanda kungambo ya kule jua iko natokea. Qui avait arrêté la guerre. Ule alishimamishaka mvita. Pourquoi? Dieu anini? Cet ange avait arrêté la guerre. Dieu anini malaika alishimamishaka ile mvita. Pour que la terre ne soit pas détruite. Ju ulimwengu sipate kupomonewa. Parce qu'il y avait encore des promesses qui devaient s'accomplir du côté d'Israël. Ni juu kulikuwa kukingariki malako ilipata kutimilika kungambo ya Israel. Afin de sceller les 144,000 juifs. Juu ya kuweka muhuri 144,000 ya Bayuda. Vous voyez, munaona. Jusqu'aujourd'hui le monde ne comprend pas cela. Kufikia paka leo ulimwengu haielewaka ile. Mais nous, Dieu nous a envoyé un prophète. Lakini chez Mungu alitumia nabii. À qui Dieu a révélé ces choses. Mule ambao Mungu alifunulia hivi vitu. La guerre ne s'était pas arrêtée d'elle-même, non. Vita ya kushimama kwa hiyo mwenyewe hapana. La guerre s'est arrêtée, la guerre a été arrêtée par cet ange d'Apocalypse 7:2. Vita ilisimamishwaka na huyu malaika wa Ufunuo sura ya 7. Du côté du soleil levant. Ule alianza kupanda. Et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Kule jua iko natokea na alikuwa na muhuri ya Mungu aliye hai. C'est cet ange-là qui avait arrêté la guerre. Ni ule malaika njo alisimamishaka ile mvita. Mais remarquez. Lakini angalia. Vers 1906, mon 1906, c'est l'année qui marque le début de la Pentecôte. Ni mwaka iko na onesha kumwanzo ya Pentecôte. Le Saint-Esprit commençait à descendre sur le peuple. Roho Mtakatifu ilianza kushuka kutaifa afin de préparer l'église pour l'enlèvement. Ya kutayarisha kanisa juu ya kunyakuliwa. Et cela venait juste à peine de commencer. Na ile ilianza iko tu inangana anza. Et la descente du Saint-Esprit na kushuka kwa Roho Mtakatifu s'est fait entre deux âges, kulifanika kati ya vizazi viwili, presque pendant une période de chevauchement, kadiri karibu na kule kizazi kiko na marifikia, entre l'âge de Philadelphie, katikati ya kizazi kia Philadelphie, et là de la Odyssée. Na kizazi kia Laodikia. C'est pendant ce temps de chevauchement. Ni mwile wakati mwile kizazi kia unamarizika. Que le Saint-Esprit commence maintenant à descendre sur la terre pour préparer l'église en vue de l'enlèvement. Mwile ambao Roho Mtakatifu kunashuka sasa ukanisa juu ya kutayarisha kanisa juu ya kunyakuliwa. Quand l'ange ici. Wakati malaika huyu hapa. Arrête la guerre en 1914. Anashimamisha mvita mu 1914. Les pentecôtistes bapente ont commencé à s'organiser en dénomination. Balianza sasa kujitengeneza mu mazebu. Vers 1914. Mu 1914. Le mouvement de la Pentecôte. Mouvement de la Pentecôte. Les pentecôtistes en particulier. Ba pente, mukipeke. Ont commencé à s'organiser en dénomination. Ba lianza sasa matengenezo ya mazebu. Alors que la terre entière était en guerre. Wakati ile ulimwengu mzima ilikuwa mvita. L'ange d'Apocalypse 7:2 Malaika wa Ufunuo sura ya 7 mstari ya 2 arrêta cette guerre akashimamisha ile vita à 11h mu 11h le 11/11/1918 le 11/11/1918 l'ange d'Apocalypse 7:2 Malaika wa Ufunuo 7 sura ya 2 alors que toute la terre était en guerre, wakati ulimwengu yote ilikuwa mvita, arrêta cette guerre mondiale, akasimamisha mvita ulimwengu mzima, à 11h, numa 11h, le 11 novembre, le 11 novembre 1918. 1918. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que le Saint-Esprit Rome Takatifu avait encore un travail à faire sur la terre. Les anges destructeurs, ba malaika ba kuharibisha, ces quatre anges, ba malaika ine, voulaient détruire toute la terre. Ba dipenda ba pomone ulimwengu mzima. voulaient mettre fin à la terre. Walipenda kushimamisha dunia. Ils étaient prêts pour la destruction de toutes choses. Walikuwa tayari juu ya kupomona kila kitu. Mais lakini l'ange du soleil levant malaika ule wa kutokea kwa jua dit arrête. Asema mshimamishe. J'ai encore un travail à faire sur la terre. Nikingali na kazi ya kufanya pa dunia. Vous voyez, munaona. À 11h, ma 11h, le 11 novembre, le 11 mois ya 11 1918, la guerre s'est arrêtée. Vita ilishimama. Et personne n'a su qu'il avait arrêté. Na hakuna mtu aliyua ni nani yule alishimamisha vita. Depuis ce temps-là, tangia ile wakati ile, le monde entier est menacé par les guerres mondiales. Ulimwengu mzima iko yenye kusongwa na vita tena nyingine ya ulimwengu mzima. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nanifuata. De l'an 70 kuanzia mwaka wa 70 jusqu'en 1914 la terre tout entière était en paix. Ulimwengu mzima ulikuwa mkalama. Elle n'était pas menacée par les guerres mondiales. Haikukua inasongwa na mpita ya ulimwengu mzima. Lorsque les anges destructeurs, les quatre anges destructeurs, wakati wa malaika ine bakuharibisha, se sont levés pour détruire toute la terre, walisimama juu wapokonye dunia mzima, dans la première guerre mondiale, mwile mvita ya kwanza ulimwengu mzima, où le pays du monde entier, mwile ma inchi ya ulimwengu mzima, était en guerre contre l'Allemagne, ilikuwa na kumbanisha Allemagne, vous voyez, unaona. Comme il y avait encore un travail à faire sur les élus et sur Israël, l'ange d'Apocalypse 7:2 qui avait le sceau entre ses mains arrêta cette guerre à 11h le 11 novembre 1918. Maintenant, quand vous remarquez, wakati munatazama, et vous remarquerez, na mtaona, que depuis que la guerre mondiale, la première guerre mondiale s'est arrêtée, tangia vita ya ulimwengu mzima ilishimamaka ile ya kwanza, la terre est sous la menace de guerre mondiale. Ulimwengu ni yenye kusongwa tena na vita ingine ya ulimwengu mzima. Il y a presque des guerres partout. Kuko kadiri mvita fashi yote. Depuis que la guerre a été arrêtée, tangia ile mvita pale lishimamishwaka, l'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, sillonne maintenant toute la terre, anajunguluka sasa ulimwengu mzima, pour mettre fin, juu ya kushimamisha, à l'œuvre des nations, ku kazi ya mataifa. Et pour retourner à Israël, na juu ya kurudia ku Israël, afin de sceller les 144,000. Juu ya kuweka muhuri bale 144,000. L'église est avec moi. Kanisa iko nanifuata. À partir de la fin de la première guerre mondiale, kuanzia kumwisho ya 1914, kuanzia mwisho ya mvita ya ulimwengu mzima ya kwanza 1914, le monde est menacé par les guerres mondiales. Ulimwengu iko nasongwa na vita tena nyingine ya ulimwengu mzima. L'ange du Seigneur, malaika wa Bwana, sillonne maintenant toute la terre. Iko nazunguluka sasa ulimwengu mzima. C'est pour marquer le sceau, ni juu ya kuweka muhuri, sur les élus, kubateule, du côté des nations, kubate ya mataifa. Et lorsqu'il aura achevé ce travail de la rédemption du côté des nations, wakata taisha ile kazi ya ukombozi kubate ya mataifa, le salut va retourner vers Israël, ukovu itarudia ku Israël, afin que les 144,000 soient marqués de leur sceau, juu bale 144,000 wapate kuwekwa na bomuri. Et c'est là que Russell, Na ni kule ule Rusele a fait cette erreur. Alifanyishia ile nkosa. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé exactement n'étant pas un prophète. Dieu a chikuya bile bilianza kufanika na yeye Dieu vile chikuye nabii. Et quand lui il dit, na wakati yako nasema Jésus-Christ reviendrait en 1914 et que l'enlèvement de l'épouse peut se faire même en 1919, c'était de la confusion parce qu'il ne comprenait pas la réalité de la chose. Oui, bien-aimé frère, c'est pour cela, après seulement quelques temps, Israël est rentré dans son pays. Israël a rudia mwinchi yake pour attendre le Messie. Dieu a kuchunga Masia. Et pour le seulement de 144,000. Na Dieu a kuwekwa muhuri kwa 144,000. Le 14 mai. Le 14 mai 1948, Israël fut proclamé pays indépendant. Israël bari mutangaza kuya inchi yenye kuya na utawalo yake mwenyewe. Vous voyez comment les choses évoluent? Munaona namna vitu viko naendelea. C'est ce que le monde aujourd'hui ne comprend pas. Mais vous et moi, nous devons comprendre toutes choses parce que ces choses ont été révélées pour notre préparation. Ici, on ne vous parle pas de ce qui s'est passé. Ici, on ne vous parle pas des choses qui se sont passées il y a 6000 ans. Maintenant nous parlons des choses qui se passent dans notre époque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le verrons demain, vous remarquez que les guerres sont partout. Jésus avait déjà annoncé que vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais quand les guerres et les bruits de guerre ont commencé, pour l'épouse, c'est un signe que le retour de Christ est imminent. Kusema kurudia kwa Kristo kunakuwa karibu. Si l'ange d'Apocalypse 7:2 kama malaika ule wa Ufunuo 7:2 n'avait pas arrêté la première guerre mondiale, ashikushimamishaka vita ya kwanza ya ulimwengu mzima, le monde serait consumé. Dunia ilipasha kuesha kuharibika ishakuteketea. Mais Dieu a arrêté Mungu cette guerre. Il invita. C'est pour les 144,000. Et pour l'épouse na Dieu ya bibi arusi, de là de l'Odyssée, wa kizazi ka Laodikia, qui devait être scellé du Saint-Esprit muri ya Roho Mtakatifu, avant son enlèvement. Mbele kunyakuliwa kwake. Le message que nous avons reçu est une dernière grâce ni nema ya mwisho que Dieu accorde aux nations. Ile Mungu anakaburia bata mataifa. C'est pourquoi jouer avec la dernière grâce, ndio kwa maana kucheza na nema ya mwisho, c'est être insensé. Ni kwa bumbafu. Depuis que 1900 a commencé, tangia 1900 ilianza, il y a beaucoup d'événements spirituels qui se sont accomplis. Kuko maandamano ya mingi ya kiroho ambayo ilitimilika. À la fin et au début de l'âge de la Odyssée, à la fin de l'âge de Philadelphie, mwisho wa kizazi ya Philadelphia, et au début de l'âge de la Odyssée, na mwanzo ya kizazi ya Dalkia, le Saint-Esprit descend, Roho Mtakatifu inashuka, pour apprêter les cœurs, juu ya kutayarisha mioyo. C'est pourquoi les pentecôtistes bapente n'ont pas de prophète légal. Abana na banabi ba babia kweri. Le Saint-Esprit est descendu Rome takatifu ilishuka sur tout le monde. Yule ya bantu bote. Les gens ont commencé à prophétiser, bantu à parler en langue, les dons de miraques, les dons de miracles s'opéraient, les guérisons s'opéraient, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Bantu wa minga bakwanza kuelewa. Pendant que Dieu déverse son esprit sur la terre, au début de l'âge de la Odyssée, un messager, Mujumbe, le dernier prophète des nations, né, akazarika. Et quand le dernier prophète des nations né, na wakati wa mwisho nabii wa mataifa nazarika, en 1914, il était encore tout jeune, alikuwa ngali mdogo, alors Satan veut détruire la terre. Shetani akapenda kuharibisha ulimwengu. La guerre mondiale intervient. Vita ulimwengu mzima ikakuya hapo. Et l'ange d'Apocalypse 7:2, na malaika wa Ufunuo 7:2, arrête la guerre. Akashimamisha ile vita. Dit, ne fais pas de mal bibaya, à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Kudunia, au kubari, au kumiti, jusqu'à ce que j'ai fini mon travail. Fika papa, limitaisha kazi yangu. Et après cela, na kisha ile, il n'a pas fait longtemps, regardez, de 1914, à 1948, il y a combien d'années? Ça fait combien d'années? 34 ans. Israël, Israël est retourné dans son pays. Alléluia, mwinchi yake. Et il fut proclamé na katangaziwa pays indépendant. Inchi yenye kuya na utawala yayo. L'église est avec moi. Je vous prends 5 minutes. Le reste, nous allons continuer demain. Frère Branham explique dans les 10 vierges. À la page 19. Vous pouvez aller jusqu'à la page 22. Unaweza kwenda paka page 22. Paragraphe 91. Paragraphe 91. Jusqu'au paragraphe 111. Fika paka paragraphe 111. Je lis pour terminer. Nasoma. Je lis Frère Branham pour terminer. Nous allons continuer. Kwa kumaliza Frère Branham, tutaendelea kesho. En 1914. Mu 1914. Le monde entier marcha contre l'Allemagne pour une guerre mondiale. Ulimwengu mzima ikaenda juu vita ulimwengu mzima juu ya Allemagne. C'est vrai. Ni kweli. Le monde entier entra en guerre. Ulimwengu mzima ikaingia mu vita. Il se passa alors une chose étrange. Ulifanyika basi kitu kimoja cha kigeni. Je voudrais que mon cher ami ici présent, napenda huyu rafiki yangu mwenye kuya hapa, le père de frère Oud qui est un témoin de Jéhovah, baba yake na ndugu Oud ule alikuwa wa mshuhuda Jehovah, comprenne bien cela, aelewe mzuri ile, il est un témoin de Jéhovah converti, eko mshuhuda wa Jehovah mwenye kugeuka. Tous les pays se mirent donc en guerre, ma inchi yote iliingia mumvita. Vous vous en souvenez bien? C'était en 1914. N'est-ce pas bizarre? J'ai lu dans le déclin. dont je possède la collection, mule ambayo niko nayo, tome 2 vers la page 44, mule mtome 2 mu page 44. N'est-ce pas bizarre? Eti aina mbaya? Qu'on ne sache pas encore à l'heure actuelle qui a arrêté cette guerre. Il est bon d'avoir eu à par un aléo ou la richesse, mais chaque elle est vite. L'empereur Guillaume II dit qu'il n'avait jamais ordonné, qu'il n'avait jamais donné cet ordre. L'empereur Guillaume II a été maillé à ce que l'État a été guise. Mais tout à coup, Takini tout quoi gafla, la guerre s'arrêta. Sans que personne ne sache pourquoi. Vita ikashimama bila mtu kujua inashimama namna kani. Il se battait là au front. Balikuwa nakumbana kule kumvita. Et voici, on vint leur annoncer au front. Tazama banakuwa kubatangazia kule kumvita. Tout est terminé. Yote vinamalizika. La guerre est finie. Vita inamalizika. Le traité de paix fut signé avant même qu'il n'ait compris ce qui s'est passé. Kuchikirizana kwa salama kuliandikiwa bila bo kuelewa ile ilifanyika. Il faudrait un jour ou deux pour bien expliquer cela. Inapasha siku moja au mbili juu ya kufasiria mzuri ile. Ces gens ne comprirent pas. Bale bantu abaelewe. Mais contentez-nous de toucher les points principaux. Lakini toa tuguse vitu vimenye vya msingi. C'est Dieu qui l'arrêta afin d'accomplir sa parole. Ni Mungu ndio alishimamishaka juu ya kutimiza neno yake. C'est cet ange qui l'arrêta. Les anges étaient venus avec les instruments de destruction. Pourquoi? Pour détruire le monde entier. Mais lakin, un autre ange dit, attendez un instant, mchunge wakati kidogo, ne faites pas cela, il nous faut d'abord mettre les sceaux sur le front des serviteurs de notre Dieu. Inatupasha kwanza tuweke miuri ku mauso ya batumishi ya Mungu wetu. C'était juste au début de la Pentecôte vers 1914. À cette époque, combien le savent parmi vous? Y a-t-il ici un vieux pentecôtiste qui se souvienne de ce temps-là? Certainement. C'était le temps où le Saint-Esprit commençait juste à descendre. Et les gens commencer à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à prier pour les malades, ainsi de suite. Cela venait de commencer juste entre les deux âges. Entre deux âges. En ce temps-là, c'était vraiment l'église. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était la véritable église. Puis les pentecôtistes commencèrent à se constituer en dénomination, en assemblée de Dieu et en église de Dieu, ainsi de suite. Et ils ont continué avec leur isme exactement comme ils le font encore maintenant. Nous sommes à la fin de l'âge. Vous voyez, tout se dirige vers la fin. Tout court, tout droit vers la fin. Biote bifupi tena biko na jiongoza paka kumwisho. Il n'y a plus de temps. Hakuna wakati. Le temps est court. Wakati kumfupi. Et tous les événements. Na mandamano yote. Ou rapidement. Biko na kimbia mbio. Vers la fin. Paka kumwisho. Remarquez que la guerre a cessé le 11 novembre à 11h du matin, le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois et la 11e heure du jour. Tazama ile mvita ilishimamaka le 11 ya mwezi wa 11 1918. Remarquez que la guerre a cessé. Tazama ile mvita ilishimama le 11 novembre. Le 11 mwezi wa 11 à 11h du matin. Musa ya 11h asubuhi. Le 11e mois de l'année. Mwezi ya kumi na moya. Le 11e jour du mois. Siku ya kumi na moya ya mwezi. Et la 11e heure du jour. Na saa ya kumi na moya. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses propos? Unakumbuka kile Yesu alisemea pa ile mambo? L'un est allé travailler une journée dans la vigne. Mmoja alienda kutumika siku mzima mmoja. Et il a reçu un denier. Na alipata ako talaka. Puis un autre est venu. Na mwingine akakuya. Il y avait ceux de la 11e heure. Pourquoi bale ba saa kumi na moya? N'est-ce pas? Aina vile. Voilà. Tazama. Ceux de la 11e heure. Bale ba saa kumi na moya. Avaient été retenus. Bale ba chungisha. Mais. Lakini. Il est temps pour les justes d'entrer et de se rassembler entre tous les peuples pour former une nation. Ni wakati sasa ya benyaki bapate kukusanika juu ya kufanya taifa moya. Ils étaient dispersés dans le monde entier. Bariko basha uzambala ulimwengu mzima. Jusqu'en Iran. Kufika paka na ku Iran. Et en différents lieux. Na mapacha kwa chana chana. Où ils n'avaient jamais su que Jésus était venu sur la terre. Mule abakuyaka ta kusema Yesu alikuyaka pa ulimwengu. Ne sachant rien de Nouveau Testament. Abakuya kintu mwagano jipya. Ou de quoi que ce soit. Ao kingine kingine. Vous pouvez voir dans la revue Look dans Life. Munaweza kuangalia mu revue Look Life. Ainsi de suite, des photographies montrant les retours des Juifs. Ma photo, ba kurudia kwa Bayuda. Jésus, yes. N'a-t-il pas dit, eti asikusema, dès que vous voyez les branches du figuier devenir tendres et se faire pousser, wakati mutaona michi ya mchini inachipuka, les Juifs ont toujours été représentés par les figuiers. Bayuda banabonekanishaka kila mara sawa mutini. Cette génération ne passera point na, que tout cela n'arrive. Maintenant, ils sont de retour. Sasa, baisha kurudia. Ils sont une nation. Baisha kwa taifa. Ils ont leur propre monnaie. Beko na pesa yabo benyewe. Leur propre drapeau. Beko na drapeau yabo. Et tout. Na bioti. Et les Nations Unies na America, les reconnaissent en tant que nation. Ina bajua sawa taifa. Elle est constituée. Elle est formée. Yenye kupangwa. Elle est formée. Yenye kutungwa. Elle est prête. Iko tayari. Prête à quoi? Tayari kunini? Prête à ce que les 144,000 d'Israël. Tayari juu ya ile 144,000 ya Israël. Soit scellé. Bapate kuwekewa muhuri. Nous y arriverons dans un instant, vous voyez. Tafika mwakati kiloko munaona. Vous voyez. Munaona. Les vrais juifs se rassemblent de nouveau en Palestine. Exactement comme le prophète l'a dit. De même Ismaël et Isaac, qui n'ayant jamais pu se supporter, se battent toujours. Il est dit qu'il serait là dans les derniers jours. Israël attaqua mwinchi yake mashuka kumwisho, et c'est là qu'ils se sont établis. Et Ismaël est ici environ un pâté de la main un pâté de maison plus loin. Na Ismaël est quoi pas caribou tout nabo. Il y a Isaac. Pourquoi Isaac? Et les deux groupes. Na yi mankunji mbili. Les Mahométans et les Juifs. Ba Mahométans na Bayuda. Se battent, vous voyez. Beko na kombana muko naona. Voyons maintenant. Tazama sasa. Si le message que nous avons est retiré avec ces choses, oui ou non? Kama hii mjumbe tuko nayo. Et relié avec ces choses, oui ou non? Iko nyoko ambatana na hivi bintu kweli au hapana? À l'heure même où par une signature. Mwakati moya moya mule kupitia saini. Israël était reconnu comme nation. Israël ilijulikana sawa taifa. À cette heure même. Mwile wakati moya moya. Le même jour. Siku moya moya. Le même mois. Mwezi moya moya. J'étais à Gilgal. Nilikuwa Gilgal. India. Lorsque l'ange m'apparut et m'envoya dans la moisson avec le message. Wakati malaika alionekania na kunituma mavuno na hii mjumbe. Après qu'il m'ait rencontré près de la rivière. Kisha kutana na mie kando ya et qu'il me dit ce qui arriverait 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation, j'ai recevé mon ordre de mission. Voyez-vous, tout cela est relié. Qu'est-ce qui est relié? La fin de la guerre. Voyez, munaona. Qu'est-ce qui est relié? Nini kwenye kuunganishwa kule? La descente du Saint-Esprit. Kushuka kwa Roho Mtakatifu. Qu'est-ce qui est relié? Nini tena naunganishwa kule? Le message du temps de la fin. Mujumbe wakati ya mwisho. Qu'est-ce qui est relié? Nini tena naunganishwa kule? La proclamation de l'indépendance, d'Israël. Kutangaziwa kwa uhuru ya Israel. Qu'est-ce qui est relié? Nini tena naunganishwa kule? La mission, l'ordre de mission, agizo ya kazi, a été remis à Frère Branham. Ilikabuliwa kwa ndugu Branham. Pour aller dans le monde entier. Jua kwenda mulimwengu mzima. Vous voyez? Munaona? L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Et sur la terre maintenant, eko pa dunia hapa sasa, il va et vient, eko naenda neko narudia, préparant toute chose, kutayarisha kila kintu, pour la venue du Seigneur. Juu ya kuja kwa Bwana. Ce sont les mêmes anges. Ni malaika moya moya. Que ceux qui firent témoin. Sawa bale balikuwa kama bashuda. Des péchés de Sodome. Ya manzambi ya Sodome. Lorsqu'ils visitèrent cette ville après qu'il fut dit. Wakati walitembeleaka ile muji kisha kusemewa, je vais descendre, nitashuka, et je verrai, na nitaona, si ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Kama beko natenda paka vile kufuatana na ile makelele ilinifikia. Est-ce que l'église vous suivez? Eti kanisa kwa nifuata? Ici faut bana me dit ceci. Hapa ndugu Branham anasema hivi. Les mêmes anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Ba malaika moya moya badaribishaka Sodoma na Gomora. Sont les mêmes anges. Ba malaika moya moya. Qui sont venus encore. Bari kuya tena. Pour détruire l'humanité tout entière. Jua kupomona ulimwengu mzima. À cause du péché. Jua nzambi. Mais regardez avant que ces anges n'aillent détruire. Lakini angalia mbele abale wa malaika kwenda kupomona. Il y a eu l'ange qui est resté avec Abraham le prophète. Kurukuya malaika alibakia na Ibrahim nabi. Et Abraham intercédait pour son frère qui était à Sodome. Na Ibrahim alianza kulombea nduku yake alikuwa Sodoma. Et Dieu avait exaucé la prière d'Abraham. Mungu alijibiaka maombi ya Abraham. Sodome ne fut pas détruit jusqu'à ce que Lot est sorti. Sodoma wa kuyaribisa kufikia paka pale Lot alitoka kamo. Voyez. Munaona? C'est un temps similaire. Ni wakati ni ya kufanana. Ya kufanana. Si l'ange d'Apocalypse 7:2. Kama malaika wa Ufunuo 7:2. Arrête. Alishimamisha. La première guerre mondiale. Vita ya kwanza ulimwengu mzima. Où les quatre anges voulaient détruire toute l'humanité. Mule ba malaika ni walipenda kufunua ulimwengu mzima. C'est parce que le Saint-Esprit. Njuro mtakatifu. Avait encore des élus sur la terre. Alikuwa ngari na batu wote pa dunia. Encore sur le Saint-Esprit. Bale walikuwa bayapata Roho Mtakatifu. Et ces élus-là. Na bale bateuli. Pour lesquels l'ange d'Apocalypse 7:2. Mule ambao malaika wa la guerre mondiale. Alishimamisha vita ulimwengu mzima. C'est toi et moi. Wewe na mie. Du côté des nations. Ngambo mataifa. Et les 144,000. Na 144,000. Du côté des Juifs. Ngambo que Dieu vous bénisse. Bwana mibariki. Vous me pardonnez parce qu'il fallait que je m'arrête quelque part. Nilipata kushimamia fashi fulani. Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus de temps. Nijua kumeonesha kusema hakuna tena wakati. Si vous jouez avec les messages, vous jouez avec votre vie. Kama mko nacheza na mujumbe, mko nacheza na kushima wenu. Il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. Dieu nous parle maintenant des choses un peu plus clairement. Mungu eko nasemeza na nasi bintu wazi wazi. Ibi tu ko nasema abina tena bintu bya zamani, ni bintu biko tuangalia bya hapa sasa. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Si vous voulez dormir dans la négligence, c'est ton problème. Kama unapenda kulala mukulengama ni mambo inakuangalia wewe peke. L'enlèvement n'est pas loin. Kunyakuliwa kuna mbali. Prions. Tombe. Seigneur, je te dis merci.